spécial, un amour de FM. Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Tout pili, tout pili, bien 13h30 passées. Donc, eh bien voilà, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel, vous êtes en compagnie de Nicolas jusqu'à 17h avec beaucoup de chansons différentes. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et puis aussi une très bonne matinée. Eh bien, vous pouvez tout enlever avec le soleil. La pluie est de retour, mais rassurez-vous, la musique est toujours là, du matin au soir. Donc, voici donc toute l'après-midi avec les chansons. Voilà donc sur Arc-en-Ciel. Émission avec, il s'appelle Olivier Clément, et puis juste après, ce sera Linda de Souza. Nous, ce qu'on veut, c'est chanter. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nous, ce qu'on veut, c'est danser. La liberté, le soleil ici doit briller, il va tous nous réchauffer. Ici tout le monde doit s'amuser, maintenant laissez-vous aller. Allez, on y va. Tout ce qu'on veut c'est chanter. De ta porte, tu seras bien. Frappe tes mains, ouais. Allez, viens te changer les idées. Si t'es prêt, t'as tes pieds. Nous, ce qu'on veut, c'est chanter. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nous, ce qu'on veut, c'est danser. Fait du bien d'être avec nous. Franchement, ça valait le coup. Le soleil envahit la place. Allons nous asseoir en terrasse. Nous, ce qu'on veut, c'est chanter. Hey, hey, hey, hey, hey. Nous, ce qu'on veut, c'est danser. On a soif de rentrer tard. Au nom de la liberté d'expression, on ne peut rien dire, alors chantons. Nous, ce qu'on veut, c'est chanter. Nous, ce qu'on veut, c'est chanter. Nous, ce qu'on veut, c'est danser. Chanter, nous, ce qu'on veut, c'est danser. est heureux à ce qu'on dit sans fortune au soleil. Tu ne veux rien que du plaisir dans ta valise, quelques bouquins, de la musique et du sommeil. C'est dangereux de vouloir vivre sans problème. On reste seul et détaché du cours du temps. Et on finit par éloigner le bonheur même. Mais si tu aimes tous les risques que tu prends, vive la liberté. Sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc eh bien Lily Harmony avec son titre Dans mon regard, et puis donc un petit coup, et puis juste après Laura Fabian. Voyager de ville en ville, accoster à travers le monde, de quai en quai, de ville en ville, me poser vers d'autres îles. Regarde mon père. sur 96.2. Voilà donc, après tout simplement Cillian, voici Diane Guichard, et puis juste après lui, c'est Chris Adams. Je me souviens de cette école où j'ai pendant quelques années appris des trucs, des grands symboles qui m'ont l'air un peu dépassés. C'est Chris Adam. Retrouve-moi sur Radio Arc-en-Ciel. Si jeune et rebellé, société d'insécurité, se perd l'expression de la liberté, pour un like ou la peau tatouée. Ensemble, pour l'égalité, la

Arc-en-Ciel, un amour de FM. C'est une oubliable soirée. Je m'insisterai de nouveau croiser. Aurions-nous pu un jour penser qu'après cette inoubliable soirée, le destin se serait finalement scellé. Vite, vite, vite, vite. Même si toi tu n'y vois rien et te trouves des excuses. Je conduis, je vais dans la rue, retrouve toujours mon chemin. Loin de tes prétextes, je peux plus m'y adapter. Je l'ai vu quand j'y ai cru, mon choix était d'être optimiste. Loin des parasites, ites, ites, ites. T'y as cru quand tu l'as vu, ton choix était d'être pessimiste. Ah, dégage vite, vite, vite, vite. Dégage vite, tu me parasites. Dégage vite, vite, vite, vite. Dégage vite, tu me parasites. Dégage vite. C'est aussi ça. Parfois un berger, tenu dans leur blanc corsage,

Musique Arc-en-Ciel, découvrez la passion de la musique. Voici donc Nel Perso avec La Promesse, et puis juste après, c'est Jean Ferrat. J'ai fait la promesse un jour d'aimer, d'utopie et de tendresse. Et si le monde a ses faiblesses, de garder le pouvoir d'aimer. J'ai fait la promesse un jour d'aimer, pour un rêve pour l'éternité. Les paysages, les hivers, même si les rêves sont dissolus. Un billet pour demain, un départ au hasard. C'est tout paru incertain, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Même si les plus belles histoires ont un jour été vendues, jamais croire qu'il est trop tard, l'espérance n'est pas perdue. J'ai fait la promesse d'y croire, pour un rêve pour l'éternité. Et si le monde a ses faiblesses, de garder le pouvoir d'aimer. Un billet pour demain, un départ au hasard. Si tout paraît incertain, le hasard n'existe pas. C'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture. Et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville chimie. Allongés sur les rails, nous arrêtions les trains. Pour vous et vos pareils, nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Que la guerre était perdue d'avance, et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté sur Saïgon. Avant que cette ville s'appelle ville Ho Chi Minh. Après 30 ans de feu, de souffrance et de larmes, des millions d'hectares de terre défoliées, un génocide vain perpétré au Vietnam. Quand le canon se tait, vous continuez. Et regardez-vous donc, un matin dans la glace, Caton du Figaro songeait à Beaumarchais. Il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de valeur. toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. We'll be right back. voici le titre, Une chance, et puis juste après Garou, un de ces chanteurs canadiens. Voici donc Julien Moni. J'ai passé bien trop de temps à me laisser porter par le vent. Dans si grand, si grand, si grand. Retour à l'essentiel, la vie t'émerveille, tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc s'appelle Chorale, le titre s'appelle Ma Liberté, et puis juste après deux titres différents de Kroneur. Les amarres, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait un rêvant, une rosée de vent sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise, ma liberté. J'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien je souffrais pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer les moindres habitudes. Toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté. my kiss away, it's tears, or else I shall be melancholy. Treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in this world too good for girls so good and true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, big Cadillac car, and everything. What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? Arc-en-ciel, découvrez la passion de la musique. Voilà donc, on va passer du côté chanson portugaise avec Tony Carreira. Voici mon information, c'est que Tony Carreira sera à Orléans, au Zénith d'Orléans, le 21 janvier 2022, donc il sera le 21 1er donc janvier 2022 au Zénith d'Orléans. Voici donc un titre de Tony Carreira. No fundo já esperava o adeus tinha que haver. Somente não contava, sem ti não poder viver. Agora são vocês. É que eu entendi. Yeah. avec Teddy Joe. Comme la terre,

d'avoir une femme à la maison. Ça vous évite bien sûr de trouver le temps long, mais il faut encaisser toutes ces réflexions. Elle vous aidera à dépenser votre pognon. Quand elle est lasse de parcourir les magasins, elle s'en va retrouver le coiffeur de bon matin. Et si vous n'êtes pas gâté par le destin, elle vous fera peut-être cocu avec le voisin. Il y en a quand même des bonnes qui prennent bien soin de leur bonhomme, malgré qu'elles aiment leur façon, qu'on leur laisse porter le pantalon. S'il n'y a rien d'exagéré, il faut laisser leur liberté, mais attention à l'arbitraire, il ne faut pas tout laisser faire. Ah, il est bon d'avoir une femme à la maison, ça vous évite bien sûr de trouver le temps long, mais il faut encaisser toutes ces réflexions. Elle vous aidera à dépenser votre pognon. Quand elle est là de parcourir les magasins, elle s'en va retrouver le coiffeur de bon matin. Et si vous n'êtes pas gâté par le destin, elle vous fera peut-être cocu avec le voisin. Si elles sont parfois des commères, nous ne sommes pas non plus des saints. Et si la vôtre est bien moyenne, il faut mieux ne pas en changer, car il se peut que celle qu'on prenne est encore plus à corriger. Et si vous êtes célibataire, essayez donc de le rester. Ah, qu'il est bon d'avoir une femme à la maison, ça vous évite bien sûr de trouver le temps long, mais il faut encaisser toutes ces réflexions. Elle vous aidera à dépenser votre pognon. Quand elle est là de parcourir les magasins, elle s'en va retrouver le coiffeur de bon matin. Mais si vous n'êtes pas gâté par le destin, elle vous fera peut-être cocu avec le voisin. Je voudrais que ces petites mignonnes ne m'en veuillent pas pour autant. Si je dévoile ce que leurs hommes voudraient leur dire depuis longtemps, mais j'arrête là mon histoire, même si ce n'est pas une confession, car j'ai peur que tout un beau soir, elle me file une correction. Ah, qu'il est bon d'avoir une femme à la maison, ça vous évite bien sûr de trouver le temps long, mais il faut encaisser toutes ces réflexions. Elle vous aidera à dépenser votre pognon. Quand elle est là de parcourir les magasins, elle s'en va retrouver le coiffeur de bon matin. Et si vous n'êtes pas gâté par le destin, elle vous fera peut-être cocu avec le voisin. Elle s'en va retrouver le coiffeur de bon matin. Et si vous n'êtes pas gâté par le destin, elle vous fera peut-être cocu avec le voisin. 87, on va changer de style de musique. Voici du hard, donc du rock. Voici donc un petit coup à Fred qui aime cela. Le titre, plutôt, les titres, c'est AC/DC. Et puis le deuxième, c'est l'ordi. Et voici donc un coucou à Fred. Yeah. un jour comme les autres. Pourtant tu n'es plus là. Je crois qu'un ange frappe à ma porte. Il veut sûrement me parler de toi. Alors je lui demande de toucher mon cœur et d'apaiser ma douleur. J'aimerais tellement revenir en arrière, les regrets les plus sincères. Je m'accroche au ciel, au plus près de ton sourire. Une rose immortelle me donne envie d'écrire tous les mots fragiles comme des étincelles pour te rejoindre. Regarde le soleil, c'est la lumière de la complaisance. Et dans tes yeux reflète un arc-en-ciel, un message au divin océan qui se posait sur la plage. Accroche au ciel, au plus près de ton sourire. Une rose immortelle me donne l'envie d'écrire tous les mots fragiles, des étincelles pour te rejoindre dans la beauté éternelle. Je m'accroche au ciel. Arc-en-ciel, découvrez la passion de la musique. Voici donc qui s'appelle tout simplement Enrico Macias, et puis juste après une autre chanson différente avec Je prophète de toi. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle. C'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Mmh.

titre Délivre-moi, et puis juste après, on écoutera un titre qui s'appelle Léon avec Kenza. Délivre-moi, c'est la scène, son aigre froid, et j'ai ta peau tout contre moi. C'est l'époque, chacun pour soi, l'abîme. Je perçois ta présence.

faire cette amitié. Il suffit parfois de presque rien et peut-être une main tendue. Oh, toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Quelques notes au piano résonnent comme un écho. Entends-tu cette musique, cette douce mélodie qui résonne dans la nuit et qui fait tant de bruit? Laisse-toi juste entraîner par ce rythme effréné. Les ennuis, les soucis de la vie, danser pour s'évader de cette réalité. Laisse-toi juste entraîner par ce rythme effréné. Allez, chante, chante avec moi. Danse, danse avec moi. Chante, chante avec moi. Danse, danse avec moi. Et puis juste après elle, ce sera Pierre Perret. Just like a movie. You've got trust in another day. There's a new film on the scene. But you're still a man. Wish I was so fine. My voice is trouble. I was in trouble. We met in common dreams. Just like a movie. Watch us another day. There's something for one to see. But is there not mine? This night was so fine. My voice was trouble. I was in trouble. Thank you. Sécher. Des reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. Pourquoi ici le mensonge a raison? Pourquoi information rime avec répression? Alors cette hirondelle en plein ciel continue à décrire de plus belle les quatre fleurs de la vérité. Par ici n'était pas respecté. Liberté zéro, égalité zéro, fraternité zéro et dignité double zéro. À grands coups de ciseaux dans l'azur, l'hirondelle écrit ton nom, liberté. Mais d'Afrique en Russie jusqu'à Cuba, les cachots sont remplis de dangereux médias, parce qu'ils s'étaient armés jusqu'aux dents de caméras et de stylos acérés. Ces journalistes apprirent à leurs dépens les questions qui dérangent, on ne doit pas les poser. Alors cette hirondelle en plein ciel continue à décrire de plus belle les quatre fleurs de la vérité. Là n'était pas non plus respectée. Liberté zéro, égalité zéro, fraternité zéro et dignité double zéro. Où es-tu, chère liberté d'expression? Tant de pays ignorent encore tes bienfaits. Pauvre Sherazade, j'ai l'impression dans tout le Moyen-Orient qu'on t'a coupé le sifflet. Partout les femmes y sont humiliées. Intolérance et fanatisme y sont rois. Lapidation, lynchage et mains coupées sont les pétales des fleurs qu'ils font pousser là-bas. Mais y aura toujours une hirondelle pour dessiner du bout de son aile ces quatre fleurs de la vérité. Partout elles ne sont pas respectées. Liberté zéro, égalité zéro, fraternité zéro et dignité double zéro. Liberté zéro, fraternité zéro et dignité double zéro. Arc-en-ciel, un amour de la femme. de passer un bon moment, vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Voici donc qui vient l'Élise avec son titre s'appelle Un déclic. Et puis donc un petit bonjour. Pourquoi est-ce que j'ai si peur dans le noir? Pour rire, ni pour pleurer, je perds ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que trop parente. Oui, je vais exister. Prochainement, donc déjà pour mardi prochain, entre 13h30 jusqu'à 17h, et puis en fin de semaine, donc vendredi, entre 13h30 jusqu'à 16h. Donc voilà, eh bien, je vais te passer une bonne fin d'après-midi pour en finir avec plusieurs chansons différentes aussi de l'accordéon. Voilà, donc eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. À vous toutes. Suis ton instinct avant qu'il soit trop tard, sans échec et sans mise en garde. Alors partons croquer le monde, sans bien l'amour qui nous inonde. Aucun soupir qui nous sépare, sans échec et sans mise en garde.

Je veux danser tout l'après-midi.